Je suis le suicidé, cravaté de chambre qui n'a pas supporté de voir l'amour se vendre. Je suis le suicidé. Je suis l'empoisonné qui ne savait pas lire, qui a tout mélangé, le meilleur et le pire. Je suis l'empoisonné. Je suis l'exécuté, attaché au poteau pour avoir demandé sa part du gâteau. Je suis l'exécuté. Je suis le décapité, accidentellement victime sans le chercher d'un sinistre démon. Je suis le décapité. Je suis le musicien mortellement inspiré par la mort de son chien ou d'un gars du quartier. Je suis le musicien. Je suis l'adolescent armé d'un revolver parce qu'il a vu faire les grands qui réglaient leurs affaires. Je suis l'adolescent. Soldé qui traîne sur le boulevard, qui se vend pour une poignée de Monseigneur Dollar. Je suis l'amour soldé. Je suis l'engoudronné qui crache son cancer en étant persuadé qu'il passera l'hiver. Je suis l'engoudronné. Grenouille de bénitier pour un dieu inconnu qui ne m'a rien apporté mais à qui tout est dû. Je suis grenouille de bénitier et je suis l'endeuillé tout drapé de noir que la mort viendra faucher tout au bout du couloir. Et je suis l'endeuillé. Joyeux fêtard qui l'esprit aviné a dirigé sa jaguar vers un sapin planté. Je suis le joyeux fêtard. Je suis le mendiant couché sur le trottoir qui sous regard des passants crève sans un au revoir. Et je suis le mendiant. Le chanteur qui frotte sa guitare, qui veut offrir le bonheur et transmet son cafard. Je suis le musicien.